vend la coucou. Chez moi ça vend le bidou. Je suis un vrai mec du ghetto et kiffe la dégaine du négro. Je dois gérer le réseau. Je vends la résine, m'en fous d'avoir tort ou raison. Faire du bif, c'est ça qui me résonne. Dans la zone avec OD, toujours on est OP. Pour le blé, je peux pas renoncer. Putain, me faire péter. Est-ce que t'as capté le système? J'ai mon bif en vitesse. Ma chérie, t'es trop fraîche. Que la glisse en finesse. J'suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire. Tu la salis, j'me fâche. J'suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire. Tu la salis, j'me fâche. J'traîne avec des mecs qui sont suspects. Nous ici on suit pas. 2-9-3 c'est son Andreas, ça dit la tout va. Tout près du Batman, là je visère en tac-tac. Quand y'a des centres de keufs, on bombarde, on fait des zigzags. On fait du bif, on a des quiches, ta mauvais garçon, elle kiffe ça. Si tu veux t'ambiancer gros, écoute ça. Prends-moi, dis-moi, qu'est-ce t'as. Là c'est l'élève, pute-toi, ce soir elle fait la fiesta. J'suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire. Tu la salis, j'me fâche. J'suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire. Tu la salis, j'me fâche. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey yo mamacita, dérange pas, n'hésite pas. Quand je rentre sur la piste, la meuf elle résiste pas. Hey yo mamacita, dérange pas, n'hésite pas. Quand je rentre sur la piste, la meuf elle résiste pas. Même qu'elle est pour moi soir. Elle me dit que tu fais tâche toi. Elle aime les bad boys qui font du cash ma. Les mecs de la zone, on fout le bordel dans la fête. Je t'ai vu bouger tes fesses, j'avoue j'ai perdu la tête. J'suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire. Tu la salis, j'me fâche. J'suis un chien de la casse qui a de la classe. J'ai sorti la nouvelle paire. Tu la salis, j'me fâche.